Frank. Come on, one more time, huh? Ragione su successione. Solidarité. Sans système tonne, que le système tonne. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous-Pression, émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse tous les semaines à partir de sous-pressionpunk.com, aussi à la radio, au CHU 89,1 FM à Ottawa et CIVR 103,5 FM à Yellowknife, enregistré à Ottawa, territoire algonquin non cédé. Moi c'est Mathieu et je vais vous faire jouer du Punk Sky Hardcore en français pendant la prochaine heure, plus ou moins. Là, en arrière-plan, comme à tous les semaines, on écoute les Partisans et on va commencer l'émission avec les Partisans, le morceau Sous la pluie, Rude Boy, tiré de leur la version, il y a deux versions de cette chanson-là, de leur album et de leur EP Street Guns. On va faire jouer la version de l'EP Street Guns. Alors voici les Partisans à Sous-Pression. Watch you. j'adore tous les jours, mais on connaît bien la route, on ira jusqu'au bout, quel que soit le prix que ça coûte. Ce qu'il y aura dans nos mains, dans le bon du matin, pour le dernier salut, mon copain. Ce qu'il y aura dans nos mains, dans le bon du matin, avant de disparaître au loin. Ce qu'il y aura dans nos mains, dans le bon du matin, pour le dernier salut, mon copain. Ce qu'il y aura dans nos mains, dans le bon du matin. Salut, c'était Crève-Cœur avec le morceau Peau Rouge de leur album L'Aube se lève toujours. Du War No War avant ça avec Nous sommes le roi de rat, 8-6 Crew avec un rôle à jouer de leur album Bad Bad Reggae, et on a commencé le bloc avec les partisans de leur EP Street Gone, c'était le morceau Sous la pluie Rude Boy. Alors là, on va continuer en musique, et c'est un groupe que je pense que on n'a jamais fait passer en onde à Sous Pression. Mais c'est le groupe Groovy Aardvark. Le groupe s'est annoncé la semaine passée que le label Slamdisk va faire une réédition de leur album Vacuum. Un album qui est sorti dans les années 90. Là, puis c'est un groupe québécois qui... je sais pas, si vous êtes comme moi et que vos années formatives dans le punk rock étaient dans les années 90 et que vous écoutez le punk francophone et les groupes québécois, vous connaissez sûrement Groovy Aardvark, vous les avez probablement vus à un moment donné ou un autre. Là. Bon groupe, et l'album va être réédité. Alors je vais faire jouer un de mes morceaux préférés de cet album-là, que j'ai souvent écouté quand j'étais plus jeune. C'est une reprise de la chanson Le Petit Bonheur par la version originale par Félix Leclerc, un chanteur québécois. Cette version-ci de Groovy Aardvark avec le chanteur de Barf. Alors, je vais vous faire jouer ça un peu en attendant la réédition de leur album. Alors, voici Le Petit Bonheur par Groovy Aardvark à Sous Pression. J'avais ramassé, il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me point, je vais mourir de malade. Je me ferai petit en insoumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Le petit bonheur, je l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens dans ma maison. Alors le petit bonheur, il a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mon mal, mon deuil, mes peines, tout plus d'oublier. La vie de l'étoré, j'avais des goûts de la commencer. Quand il devait le wow, mes amis faisaient la peine. Prenez mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Je m'en vais dans mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon b ferme les yeux. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter The Connies avec le morceau Je veux pas arrêter de rêver. La cavale avant ça avec Courir en arrière. Ce morceau-là tiré de leur album Pour le meilleur et pour le punk, volume 2. Secteur pavé avant ça avec Sébastien. On a commencé le bloc avec du Groovy Aardvark. Le morceau Le petit bonheur, reprise de Félix Leclerc. Cette chanson-là, version-là, chantée avec le chanteur de Barf, alors un classique de punk et de rock alternatif québécois des années 90. Alors c'est ça, là on est rendu à mi-chemin de l'émission. Je vous rappelle qu'on a une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression, ou faites juste une recherche sur Facebook, vous allez trouver ça. Vous pouvez aussi envoyer des courriels à l'émission info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com, des demandes spéciales, commentaires, musique, je sais pas, n'importe quoi. Et bon, c'est ça, là, on va se lancer dans le bloc sono mondial. Ça sera pas trop mondial cette semaine. Ben, ça dépend de où vous êtes en ce moment. Pas trop mondial pour les gens ici au Canada. C'est faut jouer un groupe de Hamilton en Ontario. Le groupe s'appelle Bring the War Home. Ils ont sorti un EP la semaine passée, le 20 mars. Un EP de 4 ou 5 chansons. C'est un groupe très engagé avec des chansons portant sur plusieurs sujets. Contre le racisme, il parle des luttes ouvrières, un peu de tout que tu pourrais t'attendre à entendre sur un album un groupe punk de gauche. Alors je vais faire jouer deux morceaux de leur EP, le morceau Fight Fail et le morceau White Hoods, Red Hats, Black Eyes. Le groupe, si vous êtes à Toronto en passant, si vous êtes à Ottawa, le groupe sera à Ottawa cette semaine, vendredi le 29 mars, au Avant-Garde. Au bar Avant-Garde avec les groupes The Male Gaze et Hood Rats. C'est à 8h, alors allez checker ça. C'est, le bar Avant-Garde, c'est au centre-ville, c'est la rue Bessereux, alors pas loin du centre Rideau et pas loin de l'Université d'Ottawa. Alors je vais faire jouer deux de leurs morceaux, le morceau Fight Fail et le morceau White Hoods, Red Hats, Black Eyes. Voici Bring the War Home à Sous Pression. The boss head on. C'était Bring the War Home avec Fight Feel et White Hoods, Red Hats, Black Eyes. On continue maintenant avec du Mayday, leur morceau Les Histoires Meurent. Tout ce que tu as fait et tout ce que t'as vécu, c'est que tu y croyais, qui t'a vaincu et vaincu. Combattre pour la gloire et donner coup pour coup, confondre ton état. Ce pousser jusqu'au bout. Les histoires meurent, les légendes valent. Tout retombe enfin dans le néant. Les histoires meurent, les légendes valent. Rares sont les hommes qui ont battu le temps. We'll be right back. éruption. J'aime la plage, je vois du mouvement. Fais attention au village, fais attention au soleil. J'ai pas de quoi la notion. Sabrina, Babushka et Samantha. dans sa chambre trop grande. Et ma place dans son lit, je devrais la reprendre. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas dormir de ce soir. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas dormir de ce soir. Salut, on a écouté dans le dernier bloc du Mayday avec les histoires meurent. Monoxyde après ça avec Chacun pour moi, les marmottes aplaties avec plaisir sur la plage de leur album décadent. Du Lorelai après ça avec le morceau à genoux, on a écouté l'escalope. Et ce qu'on écoute l'escalope en ce moment en arrière-plan. Mais plutôt tout à l'heure, on a écouté le morceau debout de leur album Yaviendra mi turno. Et on vient d'écouter les prostituées avec le morceau dormir. Là, on va se laisser avec un dernier morceau, un morceau par Ashigan de leur album La Société du Mépris. On va écouter le morceau Regardez-les, ils donnent. Alors, voici du Ashigan. Ça sera tout pour cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Alors, prenez soin de vous, puis à la prochaine. Bye.